un rassemblement des travailleurs agricoles et membres de l'Union des travailleurs agricoles pour féliciter la réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale a eu lieu le 11 juillet à la ferme maraîchère de Changchun de l'arrondissement de Sadong de la ville de Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés, les permanents et membres de l'Union des travailleurs agricoles et autres travailleurs agricoles. Les orateurs ont adressé la gloire suprême et les remerciements les plus chaleureux au nom des travailleurs agricoles et membres de l'Union des travailleurs agricoles du pays entier au dirigeant suprême Kim Jong-un qui a fait de notre pays une puissance nucléaire prestigieuse et possesseur de la puissante fusée balistique intercontinentale.